We'll be right back. Thank you.

Thank you. Je suis chez Thank you. Va s'embraser, va s'embraser, va fondre ton oreille éclat. C'est le son.